Vendredi 13 décembre 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, avant-dernière émission, avant la fin de l'année. Alors, on fait un dernier sprint, si on peut dire, autour de l'univers BD. Évidemment, des lectures qu'on cumule aussi, sur lesquelles on reviendra l'an prochain. On commence déjà à planifier et à penser à notre mois de janvier. Mais d'ici là, comme on dit, carpe diem. Alors, pour aujourd'hui, pour ce soir, ben, que vous réserve-t-on dans ce magazine consacré entièrement à l'univers, à la sphère du 9e art? Eh bien, notamment, on va porter un regard sur Noël, mais pas le Noël de n'importe qui, celui de Marguerite, publication qui vient d'arriver, courtoisie de La Pastèque. Alors, Pascal Blanchet au dessin, India Desjardins à la scénarisation. On aura le plaisir d'avoir Pascal Blanchet pour nous en parler, pour nous présenter ce livre. Ce sera dans quelques minutes. Également de passage, Sam Parr, première publication pour cet illustrateur du coin de Victoriaville avec Gibby. Donc, premier tome, super bébé qui vit des aventures assez particulière. Alors ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Également, on porte plusieurs regards sur la bande dessinée, dont ceux de Marco Duchesne qui sera avec nous en fin de parcours. Alors c'est le menu pour ce vendredi. Et sinon, dans l'actualité BD, ben évidemment, on est à la fin de l'année, alors beaucoup de prix qui sont décernés ça et là par différents organismes, différentes associations, et notamment, ben il y a l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, donc l'ACBD, qui, après avoir sélectionné 126 albums, puis ensuite 15, puis ensuite 5, dont on vous avait parlé il y a quelques semaines, parmi les milliers de nouveautés publiées entre novembre 2012 et octobre 2013, eh bien, ils ont décerné donc leur grand prix. Ça a été donné à Chloé Cruchaudet pour son livre « Mauvais genre » publié chez Delcourt. Une BD dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'inspire d'une histoire vraie, donc un déserteur de la Grande Guerre qui se travestit pour échapper au peloton d'exécution, un stratagème astucieux mais qui va faire basculer son couple vers un destin hors norme. Alors pourquoi ce choix de la part des membres de l'ACBD? Eh bien, on explique de cette façon la sélection. J'ouvre les guillemets. Chloé Cruchaudet y déploie dans le dessin, le cadrage et la mise en scène des moyens inusités pour caractériser la virilité, la féminité et poser la question du genre. Et d'ailleurs, Mauvais genre qui, on en a parlé dans les dernières semaines, avait remporté d'autres prix également. C'est vraiment fait un livre assez primé au fil de 2013. Eh bien, ils ont eu aussi une autre reconnaissance. Donc, après le prix Loderneau, après le prix de l'ACBD également, eh bien, ils ont reçu aussi le prix de la meilleure BD décernée par la rédaction du magazine Lire. Alors, donc voilà, autre récompense. Il faut dire que Mauvais genre fait aussi partie de la sélection officielle du Festival d'Angoulême 2014. Alors, ce serait intéressant de voir également quelle réception et quel regard sera porté sur l'album de ce côté. Sinon, autre prix, Grand Prix RTL de la BD, donc, a été donné à Kiliana Song de Benjamin Flao. Alors, parmi les albums, évidemment, qui avaient été désignés par cet organisme-là. Alors, publié chez Futuropolis, Kiliana Song, on le rappelle, narre les aventures de Naïm, un orphelin kényan de 11 ans qui préfère l'école buissonnière à l'école coranique. Alors, pourquoi ce choix? Le jury l'explique ainsi. On dit, c'est un album d'une très grande beauté graphique, soutenu par un propos d'une force exceptionnelle. Alors, on rappelle en fait que du côté de la CBD, l'année dernière, ça avait été donné à l'enfance d'Alan d'Emmanuel Guibert. Pour ce qui est du prix RTL, l'an dernier, ça avait été donné à Pablo de Julien Birman et Clément Oubry. Donc, l'histoire de Pablo Picasso. Alors voilà pour ces quelques récompenses. Et maintenant, nous, on s'en va en musique. Qui nous accompagnera au fil de l'émission de ce vendredi? Eh bien, toujours dans la 8-bit, ce sera l'artiste Kay Betts avec son album 13 Bits. On écoute un premier extrait. ... Et toujours à l'écoute de La Vie en BD, je vous rappelle que vous pouvez également nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD, en un mot, tout simplement. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'émission, sur des petites publications, des petites références qu'on fait évidemment autour de notre présence radiophonique. Et maintenant, ben, on est un peu de saison évidemment, puisqu'on parlera de Noël. Alors, un album qui est apparu chez La Pastèque tout récemment, ça s'appelle Le Noël de Marguerite. India Desjardins au scénario, Pascal Blanchet au dessin. Et on va porter un regard accentué sur cet ouvrage en compagnie du dessinateur, du bédéiste Pascal Blanchet. Bonjour. Bonjour. Alors, collaboration d'ailleurs entre vous et India Desjardins qui, si je ne me trompe pas, est née un peu de commentaires lancés via Facebook qui ont amené au projet par la suite. Là. Oui. Il s'agit en fait, tout a commencé par un like sur Facebook. Et en fait, c'est India qui avait liké une image que j'avais postée sur Facebook, une image de Noël. Et puis, elle m'avait écrit ensuite en dessous un commentaire disant qu'elle serait intéressée à faire un livre de Noël. Et puis, l'éditeur a récupéré tout ça. Puis, finalement, lui a répondu qu'il serait intéressé à ce qu'on fasse un livre ensemble. Donc, c'est comme ça qu'est née la collaboration. Et c'est la preuve qu'il faut faire attention à ce qu'on dit ou fait sur Facebook. Oui. Parce que les éditeurs sont aux aguets. Et justement, mais en fait, de cette intention-là, au départ, comment s'est un peu bâti le projet, l'idée? D'où est venu quoi, un peu? En fait, au départ, c'est vraiment à partir d'illustrations que j'avais fait, qui était une petite illustration d'une maison de Noël, puis tout ça. India a comme construit une histoire à partir de ça, finalement, donc l'histoire de la vieille dame, tout ça. Donc, elle a vraiment écrit le texte, puis ensuite, elle m'a envoyé le texte, et moi, j'ai travaillé avec... ensuite, j'ai embarqué, là, c'était ma partie pour tout le reste, là, pour les illustrations. Puis aussi, ben là, à partir de ce moment-là, une fois que j'ai reçu le texte, évidemment, il y a des parties de texte qui ont été coupées, parce que, bon, c'est devenu de l'illustration, puisque, bon, on n'allait pas répéter deux fois la même chose, chacun de notre côté, là. Mm-hmm. Donc, ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Et je trouve intéressant que vous mentionniez que l'illustration qui a démarré tout ça, c'était une maison. Parce oui. que j'ai l'impression, en fait, dans Le Noël de Marguerite, justement, la notion de maison oui. est très, très importante. C'est presque un personnage à part entière, la maison qu'elle occupe. Là. Oui, tout à fait. Oui. En fait, le personnage principal, sans sa maison, je dirais même que, étant donné que le personnage n'est pas immensément expressif, pratiquement toute l'émotion, finalement, ou tous les sentiments passent à travers, finalement, l'éclairage, les espaces, ça passe vraiment entièrement à travers la maison. Là. Mm-hmm. Ça se trouve être elle, finalement, qui un petit peu pose les bases pour l'émotion, pour l'ambiance, pour un peu tout, finalement. Oui, en fait, pour mettre un peu en contexte, on parle, dans le fond, du Noël d'une dame âgée qui a peur un peu de tout ce qui est à l'extérieur de son univers, elle a peur de se blesser, elle a peur oui. d'être un fardeau. Et dans le fond, cette maison-là devient pour elle un peu ce qu'on pourrait décrire comme une prison de confort. Oui, tout à fait. Oui, définitivement. Oui, c'est vraiment, c'est exactement le bon terme. Et j'ai l'impression, dans un contexte comme ça, où la dame, justement, choisit bon, de passer la soirée de Noël toute seule, de laisser ses enfants libres d'elle, si on peut dire, libre de sa responsabilité, ça peut être interprété autant comme une décision heureuse dans la mesure où on voit qu'elle est confortable là-dedans, mais inversement, c'est aussi facile de percevoir ça comme étant quelque chose d'immensément triste, donc une ligne fine entre les deux perceptions. Là. Oui, définitivement. Puis à ce sujet-là, moi, au départ, la première version que j'ai fournie à India, ressemblait pas du tout à ce que ça a donné dans le livre, en fait. Là, au départ, les premières esquisses que j'ai faites, puis tout ça, c'était très sombre. Moi, j'avais vraiment pris d'un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus lourd. Puis finalement, bon, India, elle tenait à ce que ça ait un côté beaucoup plus lumineux, puis tout ça. Mm-hmm. Donc, je me suis repris en pression. Du temps qu'on s'ajuste, évidemment, travailler en équipe, c'est comme ça. C'est de s'ajuster, c'est arriver à se mettre au diapason de l'autre, là. Donc, c'est ça. Oui, parce que j'imagine, en fait, l'idée sur papier, on l'apprend aussi en fonction de nos expériences. Oui. Est-ce qu'on a plus des Noëls familiaux? Est-ce qu'on a eu plus des Noëls solitaires? Puis on va l'interpréter à notre façon aussi, au départ, du moins. Là. Oui, définitivement. Moi, étant donné que, je veux dire, moi, Noël, pour moi, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose d'agréable, tout ça. Donc, je veux dire, moi, quand j'ai lu le texte, ça m'est apparu comme étant vraiment un Noël désespérant. Donc, j'imagine, c'est la raison pour laquelle la première vue de ce que j'avais sorti comme esquisse puis comme étude était beaucoup plus sombre. Là. Mm-hmm. Et en même temps, ça montre bien justement l'importance. En fait, c'est le dessin qui est porteur de l'ambiance, qui est porteur de l'esprit de l'univers qui est proposé dans le Noël de Marguerite. Et donc, si on y va vers du sombre, subitement, on est dans une autre ambiance que des couleurs un peu plus chaudes, des bruns, des jaunes, des rouges que vous avez mis de l'avant. Là. Oh oui, mais en fait, étant donné que j'illustrais, je faisais les illustrations à partir du texte, parce qu'on n'a pas construit l'histoire ensemble, c'est vraiment une histoire d'India, et ensuite, moi, j'ai illustré, ben c'est un peu plus, ça se rapprochait un peu plus d'un contrat d'illustration que de travail d'auteur, disons. Mm-hmm. Donc, j'ai eu à m'ajuster, finalement, au mood qu'elle souhaitait dans le livre. Donc, oui, d'où le côté. C'est ça, ça aurait finalement dévié de ce qu'elle aurait voulu passer comme message. Ouais. Et c'est intéressant l'élément justement de la présence narrative, Pascal Blanchet, dans la mesure où si on regarde vos deux premiers, La Pastèque, La Fugue, Rapide Blanc, ouais. C'était le dessin en fait qui assurait l'intégrale de la narration. Dans Nocturne, là on avait la musique qui était intégrée, qui devenait un support narratif. Et dans ce cas-ci, ben on est plus, comme vous dites, dans l'illustration plus formelle, donc dans un récit narratif illustré, appuyé. J'imagine que ça change un peu la dynamique de travail aussi, la dynamique de création. Oui. Ça a quand même été un bon... je dirais un bon défi parce que étant donné qu'habituellement je travaille seul, j'ai l'habitude de prendre tout en charge, tout en contrôle. Et puis là, mais il y avait comme un 50% que je devais laisser aller, que je devais une liberté finalement que je devais donner à India, évidemment, puisque c'était son texte. Mais c'était un peu difficile au départ. Là. Disons que j'avais tendance un peu à essayer de prendre le contrôle sur tout. Et donc, éventuellement, on en arrive à l'équilibre parce que c'est un travail de synergie aussi, au bout du compte, entre le texte et le dessin. Donc, Oui. Ben, en fait, il y a ça d'intéressant, c'est que India est assez flexible sur le fait de couper des parties du texte pour qu'on puisse le passer seulement en images. Mm-hmm. Donc, ça a permis en même temps de donner à l'image, finalement... plus qu'un accompagnement de texte, mais l'image devient vraiment, elle fait partie intégrale de la narration. Sans l'image, on comprendrait pas l'histoire et vice versa. Donc c'est assez bien imbriqué ensemble, je pense. Oui, en fait, parce qu'effectivement, il y a des moments de, en fait, j'ai l'impression les moments d'intimité, les moments d'émotion aussi qui sont portés essentiellement par le dessin, par les couleurs, par les éléments de mise en scène, mais surtout par les visages, les expressions subtiles aussi. Mmh. Donc vraiment là-dedans, en fait, j'ai l'impression que dans les moments plus intenses, en fait, on n'a plus besoin de l'explication parce que le dessin porte l'ensemble, porte l'intégrale. Donc oui, ben si tel est le cas, c'est parfait. J'en suis ravi. Et en même temps, dans d'autres moments, on a l'impression que quand c'est le texte peut-être qui porte un peu plus de gravitas, mais qu'on s'amuse aussi à faire un contre-pied à ce qui est écrit. En fait, je pense à un moment donné, on parle de mort, d'une dame qui est morte en tombant, et on a une tombe avec la dame qui tombe en illustration. Donc, ça fait sourire, même si c'est triste, dans le fond, ce qui est raconté. Là, oui, ben en fait, on a vraiment essayé de balancer toujours. Quand le texte tombait trop négatif, bon, c'est l'illustration qui venait le rattraper, et vice-versa, finalement. Donc oui, ça se balance toujours bien. On a vraiment essayé de s'assurer de pas dire toutes les deux la même chose, finalement. C'est ça qui est important. Là. Exactement, qu'il n'y ait pas de redite. Puis en même temps, j'imagine utiliser aussi le type de médium qui portait le mieux la situation qui était proposée. Oui, exactement. Oh, oui. Et à l'intérieur de ça, évidemment, il y a tout le côté graphique. On le rappelle d'une vieille dame, de son Noël. Et j'imagine, en fait, quand j'ai vu un peu le contexte de l'époque, je me suis dit, ah oui, en fait, il y a un pont avec ce que Pascal Blanchet proposait dans ses autres albums, dans la mesure où il y a un côté rétro dans la manière dont vous amenez le dessin. Donc, avec le côté peut-être, entre guillemets, vieillerie qu'on retrouve dans une maison de grand-mère, ben, il me semblait qu'il y avait peut-être une adéquation. Oui, ben oui, tout à fait. Ben, de toute façon, ça, c'est de quoi je peux faire n'importe quoi, ça sort naturellement comme ça. Là. Il y a toujours un côté défraîchi à mon travail. Mais c'est venu tout seul. Bon, d'autant plus, avec le sujet, bon, il était question d'une vieille dame dans sa maison qui sort pas. Donc, automatiquement, il y a tous les souvenirs que moi, j'avais de relier à mes grands-parents, à leur maison, finalement. Mm-hmm. Tu sais, où il y avait comme des traces encore très présentes des années 40, 50, 60. Là, tu sais, je suis allé chercher beaucoup là-dedans. Mais tu sais, c'est certain que, étant donné, bon, c'est un conte de Noël, déjà là, il y avait un côté, tu sais, il y a comme un côté enveloppant, un côté réconfortant dans le design des années 40-50, dans ce que ça peut rappeler aux gens, tout ça. Donc, c'était quand même une belle option à prendre, je pense, pour réussir à donner un beau côté chaleureux là, à la maison et à l'atmosphère du livre. Oui, puis j'imagine en se permettant justement d'aller peut-être dans certains traits, certains contours, peut-être un peu moins durs que dans d'autres récits, donc d'assouplir un peu certains éléments, un peu pour rendre service au type de récit qu'on veut proposer. Oui, mais en fait, c'est intéressant pour ça aussi, c'est que j'ai développé quelques nouvelles techniques grâce à ce livre-là, en fait, là, quelques nouvelles façons de travailler, des trucs que je faisais pas avant. Puis ça m'a donné ça de plus, en fait, ça m'a donné une corde de plus à mon arc, là, finalement, parce que d'arriver à travailler de quoi qui était beaucoup... C'est ça, l'idée était vraiment d'adoucir les traits, de donner une belle rondeur aux choses, tout ça, puis essayer aussi de rendre le tout moins défini, là, d'avoir des flous à certains endroits, puis tout ça, entre autres, dans le choix d'impression aussi, là, tout ce qui est noir, parce que c'est une impression quatre couleurs, tout ce qui est noir est tramé, comme avec un gros point de presse, un peu comme les anciennes presse d'imprimerie, puis ça donne une espèce de flou qui est intéressant graphiquement. Et pour en arriver un peu là, est-ce que justement ça nécessite quand même pas mal de travail, j'imagine, en amont pour essayer de trouver le style, le trait, essayer d'imaginer ce que la maison pourrait être, sa géographie aussi à l'intérieur, etc.? En fait, la maison, j'ai vraiment dessiné les plans de la maison. J'ai vraiment des blueprints de la maison au complet. J'avais tout défini exactement c'était quoi son espace, puisque toute l'histoire se passait à l'intérieur de la maison. J'avais pas vraiment de choix. Oui et non, mais en fait, c'est un plaisir personnel en même temps. Là. Je me suis amusé finalement à lui dessiner une maison. Donc oui, j'ai vraiment, avant de commencer à travailler le livre, j'ai vraiment défini tous les plans de la maison, le rez-de-chaussée, l'étage, définir un peu le quartier qu'il y avait alentour, tout ça. Puis, il y a quand même eu un gros travail, mais je dirais pas, tu sais, que c'était un immense travail de recherche, disons, là, au point de vue graphique. C'est un peu venu tout seul. Une fois que c'est à force de faire des tests, des trucs, puis à un moment donné, ça a comme sorti comme ça, puis je me suis dit, ça, c'est intéressant, je pense que je tiens de quoi, je vais le garder pour le bouquin. Là. Oui, puis comme vous disiez tout à l'heure, en fait, on est dans le connu, on est dans des souvenirs aussi, donc nécessairement, il y a une part de soi puis de son expérience qu'on peut mettre là-dedans. Là. Oh oui, définitivement. Oh oui. Je pense, entre autres, il y a quelques trucs dans le livre, comme entre autres, il y a une séquence, il y a une image du coucou, en fait, qui apparaît pas du tout dans le texte, dont on parle pas dans le texte, mais on voit un ancien horloge coucou avec une aiguille cassée, puis il y a le coucou qui a l'air complètement effrayé, là, qui regarde en dehors de sa petite maison, finalement. Puis ben ça, c'est vraiment un truc qui est relié directement à chez mes grands-parents. Là. Il y avait une vieille horloge coucou qui ne fonctionnait plus. Et puis, ça, je suis vraiment allé le chercher là. Mais je sais pas, automatiquement, c'est comme venu tout seul. Juste en travaillant le livre, c'est comme un truc qui est comme apparu naturellement, disons. Hein. Et en travaillant le livre aussi, on remarque que vous avez mis quand même, j'ai l'impression, pas mal d'éléments de mise en scène dans la mesure dans le choix des plans, dans des plans qui sont dynamiques aussi. On joue un peu avec les angles, avec la perception qu'on a de tout ça. Donc, est-ce que cette volonté-là, justement, de dynamiser un peu un récit comme ça, qui aurait pu être très, très plat, entre guillemets, à l'intérieur, etc.? Ben, je sais pas, parce que bon, la perspective, c'est vraiment comme un de mes dadas, là, dans pratiquement tous mes livres, il y a quand même des perspectives assez fortes, des points de vue assez dramatiques. Je suis quelqu'un qui a souvent l'habitude, mettons, de me coucher à plat ventre à terre en dessous de mon bureau ou de monter dans un escabeau, là, tu sais, pour regarder une pièce, comment que ça tombe quand on est en haut à côté au plafond ou quand on est couché par terre. C'est quelque chose que je fais souvent. Ça a l'air curieux. C'est un peu ma façon de travailler. Donc, j'ai toujours aimé les perspectives un peu exagérées, les points assez forts. Puis, étant donné que le personnage est très stationnaire, ben en créant tout ça alentour d'elle, ben ça donnait quand même, ça dynamisait pas mal le truc. Mais en même temps, ça vient comme assez naturellement, disons, les perspectives, les points de vue dramatiques, puis tout ça. Là. Oui, puis en même temps, ça vient renforcer aussi, j'ai l'impression, la présence de la maison pour que le lecteur puisse la palper, la saisir, la sentir, mais sous différents angles, de l'observer justement du haut de son escabeau aussi, là. Oui, ben c'est ça. Ça y donne quand même une belle démesure à la maison, parce que bon, on a l'impression qu'elle est complètement perdue dans cette maison-là, tellement qu'elle semble gigantesque, là, alors que c'est juste une question d'angle. Mais oui, ça donne un bon impact graphique, disons. Et tout ça, ben, au service donc d'un conte de Noël, d'un conte moral aussi, quand même une réflexion au bout du compte sur la solitude, sur la vieillesse. Est-ce que c'est des thèmes qui vous rejoignaient aussi, ou est-ce que dans le fond vous avez plus axé sur votre rapport un peu sur le scénario lui-même, sans nécessairement être happé par certains des éléments des thèmes du personnage et autres? Ben oui, disons que dans le cas, le premier livre que j'ai sorti à la Pastèque en 2005, La Fugue, traitait justement de la fin de la vie d'une personne âgée. C'est vraiment un sujet qui m'accroche, ça, définitivement. Le sujet de la solitude aussi beaucoup. Par contre, je dirais, tu sais, peut-être le côté moral moins, là, c'est moins mon département, mais c'est vraiment ce que j'ai essayé, tu sais, de faire ressortir finalement dans les illustrations, tu sais, parce que ce côté-là, la solitude et la vieillesse, tout ce qui entoure finalement la fin de vie finalement, c'est quelque chose qui me touche quand même beaucoup, puis quelque chose que j'avais déjà travaillé aussi. Donc j'ai essayé de ça m'a servi beaucoup, disons, dans les illustrations là, pour passer ça. Je pense pas que si j'avais pas eu de sensibilité à ça, j'aurais accepté le projet, disons. Là. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression justement que les éléments de démesure dont on parlait tout à l'heure viennent servir un peu à mettre de l'avant l'isolement aussi de cette femme-là qui est perdue. Oui, clairement. Donc il y a un jeu là-dessus aussi de positionnement, d'essayer justement de l'amener par différentes manières autres que par la narration elle-même. Là. Mm-hmm. Oui, définitivement. Là, grosso modo, je veux dire, l'idée étant d'essayer de rendre l'idée de base, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. L'idée de base, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit la maison qui exprime les émotions que le personnage ressent. Là. Et on peut découvrir cet univers, découvrir ce lieu dans le livre Le Noël de Marguerite. C'est disponible chez La Pastèque, donc scénario d'India Desjardins, dessin de Pascal Blanchet. Pascal Blanchet, merci beaucoup. Et merci à vous. Et au plaisir. Au revoir. Voilà, donc on s'entretenait avec Pascal Blanchet, je le rappelle, dessinateur du Noël de Marguerite. Voilà, toujours en musique, on écoute Kay Betts, tiré de son album 13 Bits, album disponible sur Bandcamp, incidemment. Et je voulais prendre quelques minutes de l'émission pour vous parler d'une réédition qui est arrivée dans ma boîte aux lettres il y a de ça quelques semaines. Je tenais absolument à le mentionner, à vous en parler, à vous dire peut-être de profiter de cette réédition là également pour mettre la main sur cet album, parce que ça en vaut la peine et parce que en même temps, c'est une belle forêt vers un incontournable, un passage incontournable, j'ai l'impression, de la bande dessinée faite au Québec et même au-delà, dans la mesure où c'est une série qui a quand même eu une résonance, notamment du côté américain. Il s'agit du fanzine Fantastic Plot de Julie Doucet. Alors, fanzine qui était sorti, il y a de ça déjà plusieurs années, on s'entend. Donc, des œuvres qui ont été publiées par la suite en France par l'association, pour le marché anglophone par Drawn and Quarterly, en espagnol, en japonais également. Ça a été édité notamment par R. Crumb. Donc, Julie Doucet qui s'est lancée dans le fanzine, en fait, au départ, pour faire sa place, pour expérimenter, pour explorer dans son style. Et c'est Loïc Cravanne, donc, qui a décidé de rééditer les premiers numéros de ce fanzine. Premier numéro qui, d'un côté, nous montre à quel point Julie Doucet était déjà bien ancrée et bien en maîtrise de son style graphique, de son imaginaire, de son approche, de son humour, de ses éléments narratifs. En fait, on n'a pas l'impression, quand on est en contact de ces œuvres-là, de découvrir vraiment des premiers ouvrages, mais simplement des ouvrages qui s'intègrent fort bien et de fort belle façon dans l'univers proposé par Julie Doucet, qu'on retrouvera par la suite dans une série d'autres publications. Donc, évidemment, il y a la qualité narrative de tout ça, dans la mesure où on apprécie donc un style quand même plutôt trash, croquis, mais raffiné d'une certaine façon. En fait, il y a un beau jeu là-dessus, mais côté sujet, évidemment, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. On va dans des trucs autour du sexe, de la menstruation, des fluides corporels, donc du quotidien aussi, peut-être un peu plus naïf. On oscille en différentes dimensions, mais ça reste quand même d'un côté absurde, d'un côté, je le répète, trash. Et parallèlement, ce qui est aussi très intéressant avec ce que Lloyd Cravan propose, c'est justement de retrouver ces premiers fanzines-là. J'ose à peine imaginer le travail que ça a dû prendre pour réussir à offrir cet album, dans la mesure où on le sait, en fait, où on a tous vu des fanzines, donc des ouvrages qui sont distribués parfois sur photocopie, pas toujours de grande qualité, évidemment. C'est pour le diffuser pour le plaisir, c'était presque gratuit à l'époque, ou 25 sous, 1 $. Et donc, on a repris, dans le fond, ces planches-là, et on les a retravaillées, on les a rendues, on les a nettoyées, si on peut dire. Et donc, on en arrive avec un produit qui est très, très propre au niveau visuel, très, très beau. Des planches, d'ailleurs, qui ont jamais été édité autre part que dans les fanzines pour certaines. Certaines même, c'est les premières en français qu'on découvre, première édition française de ces planches-là. Alors, donc, il y a tout ce travail-là aussi qui fait qu'au-delà d'un document qu'on apprécie pour sa qualité narrative, c'est aussi un document qu'on apprécie pour ses qualités historiques, j'aurais presque envie de dire, pour la possibilité qui nous est offerte à travers cet ouvrage-là, de replonger dans un univers d'une artiste incontournable de la bande dessinée au Québec et une figure très intéressante et très importante de la bande dessinée américaine aussi, underground évidemment. J'aurais tendance à vous le recommander. Enfin, on parle des comics qui ont été réalisés entre 87 et 91, donc au fil des pages de cette réédition des fanzines Fantastic Plot de Julie Doucet. C'est chez Lloyd de Cravan, c'est sorti il y a quelques temps. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, vous le recommande. Alors sur ce, on prend une courte pause. À venir, Sam Parr et Marco Duchesne. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huile, quelques ours polaires. Ajoutez un chèque que vous signez généreusement. Mettez un ou deux zéros de plus, c'est encore meilleur. C'est la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez, les besoins sont grands. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation. Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un random. Check it out. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un random? Va le mardi ou le mercredi à la Barberie. Et tu verras un système de service hyper sexy. Quoi? Non merci? Random. Tant pis. Entrer au musée de la civilisation, c'est partir à l'aventure. Et retourner, c'est poursuivre le voyage. Jusqu'au 31 décembre, offrez un abonnement au musée de la civilisation en cadeau et courez la chance de gagner un forfait de rêve pour 4 personnes au restaurant Le 47e Parallèle et à l'hôtel Château-Laurier, Québec. Également, renseignez-vous sur notre programmation toute spéciale pour le temps des fêtes. Concerts, installations, ateliers pour les jeunes, de quoi animer toute la famille. Info au mcq.org. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. « Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez réécouter d'anciennes éditions de l'émission, mais c'est possible, elles sont toutes disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et également, vous pouvez découvrir mes impressions, mes réflexions sur mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et on continue de porter des regards donc sur des sorties automnales. Et du côté des éditions Michel Quintin, il y a un premier tome d'une série qui s'appelle « Les Gibi » qui est arrivé. Premier tome intitulé « Une odeur de soufre ». On parle de l'histoire d'un super bébé imaginé par Sam Parr qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour Raymond. Et Sam Parr, première BD que vous nous offrez cet automne, première BD at large. Après, vous êtes surtout fait connaître en fait du côté de l'illustration. De ce que j'en ai compris, c'était l'idée de produire comme ça, de proposer une BD, c'est un projet que vous caressiez depuis quand même un certain temps là. Ah, tout à fait. C'était d'abord et avant tout ce que je voulais faire à l'origine là, quand j'ai commencé le métier d'illustrateur il y a 20 ans. De vraiment faire de la bande dessinée, c'est un vieux rêve de jeunesse. Mon personnage, entre autres, de Gibi, je l'avais inventé justement quand j'avais 10 ans. il y avait à l'époque plus l'apparence d'un genre de bébé Superman, là, avec la cape et tout, avec le stéréotype d'un super-héros là, avec son costume. Mais le concept que j'ai voulu maintenir, c'était vraiment un personnage de premier plan qui est un super bébé de 3 ans et demi, mais j'y ai mis une tenue vestimentaire un peu plus classique, normale, disons. Puis j'ai réaménagé le concept, mais c'était vraiment de plonger un super bébé dans un genre de position de super-héros en soi. Et justement, la question que ça amène, pourquoi un super bébé? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce type de personnage-là? Ben, tout d'abord, j'étais conscient que c'était pas un concept qui avait été largement manipulé, utilisé. C'était d'abord l'originalité, justement. Et puis, je vais traiter le personnage, le héros, comme un véhicule. Je trouvais que c'est le véhicule d'un bébé. Ça me permettait, justement, de traiter un héros avec une certaine candeur, une certaine, une naïveté, une bonté que j'aurais pas pu prêter nécessairement à un adulte sans que ça fasse un peu trop... exagéré, parce qu'un adulte qui est avec une naïveté, on aurait pu parler peut-être d'un Forrest Gump, mais tandis que bébé, ben justement, qui avait des émotions de générosité, de grandeur d'âme, de naïveté, puis justement de le confronter d'une façon assez trash avec des monstres. Je trouvais que c'était intéressant. C'était le mélange des genres, justement. Fait que... Oui, mais en fait, c'est le bébé, c'est le personnage qui donne le ton, j'ai l'impression, à l'univers. On aurait pris exactement le même univers, mais on aurait pris un autre genre de héros. On aurait porté peut-être un regard sur cet univers-là, justement, qui serait tout autre, qui serait peut-être plus axé, justement, sur le côté sombre, au bout du compte, qu'il y a là-dedans. Oui, tout à fait, tout à fait. Des fois, je m'amuse à dire que Gibi, c'est comme la petite chandelle, la petite lumière dans la noirceur. Fait que c'est un petit peu justement ça. Gibi me permet toute cette approche-là. Et puis, peut-être aussi de traiter briser un peu le ton, justement, de pas y aller trop dans l'aspect dramatique. Mais le personnage de Gibi me permet justement d'arriver avec une dose d'humour, de légèreté. Puis ça donne peut-être aussi cette confrontation-là des deux univers, qui est-à-dire l'univers naïf d'un personnage comme un bébé, mais plongé dans de la noirceur et des monstres, ben ça donne du relief autant à ses adversaires qu'au personnage puis à sa bonté. Et dans l'univers de Gibi, justement, c'est un univers avec ses règles qu'on découvre au fil du premier tome, un univers nocturne, dans lequel règne chat, rat, dans lequel il y a des monstres qui habitent dans les égouts et dans les placards. Donc, on a bâti un peu les règles d'un univers interlope, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est un petit peu aussi la magie que ça me permettait de mettre en place. C'est un peu comme on dirait que on a souvent vu ça au cinéma, les enfants ont droit ont une vue sur un univers que les adultes n'ont pas. Donc, en véhiculant ça, justement, en plus durant la nuit, et puis sous le regard d'un enfant qui peut-être accepte pouvoir parler aux animaux, tandis que les adultes sont peut-être un peu plus coupés de cet imaginaire-là. Donc, c'est un petit peu aussi la raison que je trouvais qu'il était intéressant d'utiliser un super bébé comme héros. Et en même temps, j'ai l'impression que au fil du premier tour, mais on découvre aussi, ça devient un peu une part du suspense, du moteur du récit aussi, découvrir les différentes couches qui composent l'univers dans lequel vous nous introduisez, dans lequel vous nous amenez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, je suis présentement justement à travailler sur le deuxième tome. Puis, ça va peut-être me permettre d'aller jouer dans des zones encore plus dramatiques, plus obscures, mais en maintenant justement le personnage de Gibby qui tient tout ça à un certain niveau pour pas justement tomber dans le trop tragique, dans le trop dramatique. Et de ce que j'entends, comme vous dites, vous êtes déjà en train de travailler sur le deuxième. Quand on se lance, quand on essaie de démarrer comme ça une série, est-ce que justement on a une vision à long terme sur ce que ça pourrait donner sur le deuxième, le troisième, le quatrième tome? Est-ce qu'on essaie de développer quelque chose qui déjà d'emblée est bâti justement pour pouvoir vivre longtemps? Non, je pourrais pas dire que j'ai élaboré à tous les détails près ce qui était pour arriver. Oui, j'ai des idées déjà de lancer, j'ai des grandes lignes sur lesquelles je me base pour peut-être développer les prochains tomes. Mais autant dans l'écriture que dans l'univers, je me laisse aussi prêter au jeu de l'improvisation, de me prêter carrément au jeu de la perception des personnages, de leur jeu, dans leur façon d'emmener leur personnalité dans le récit. Ça influence aussi ma façon de développer chaque idée. Donc, je pars avec une idée, mais comme celle-là, pour moi, c'était... le commencement, un peu comme dans la série Batman. On a vu un épisode au cinéma qui était sorti peut-être après quelques épisodes, mais qui s'appelait Le Commencement. Mais pour moi, j'ai décidé de commencer vraiment par le début, le commencement, la rencontre, le point de départ de ce qui était pour être l'épopée de Gibby. Mm-hmm. Mais je me laisse prêter au jeu de l'improvisation, puis je laisse les personnages parler, puis vivre à travers... j'ai plongé dans un contexte. Puis chacun des personnages influence un peu le récit, jusqu'où qui va m'emmener vers la prochaine scène. Mais c'est certain que quand je vais développer un album en soi, je me fais des grandes lignes, je vais me faire un plan de travail. J'ai quand même une certaine idée où ça s'en va, où ça va aboutir, où ça va finir. Mais tout l'espace entre, je me laisse prêter au jeu de l'improvisation. Et j'ai lu quelque part qu'avant que le premier tome soit sorti, vous aviez choisi de déjà écrire d'avoir le scénario du deuxième de près, déjà écrit, dans le fond. Oui, tout à fait. Je me suis prêté à parce que, étant donné que, oui, peut-être j'ai beaucoup de publications du côté illustrateur, puis j'ai fait quelques collaborations au niveau de certains scénarios dans certaines collections que j'ai illustrées, mais... comme jeune auteur, je voulais pas me laisser prêter au jeu de me laisser influencer par quelconque critique ou je voulais pas que l'univers de Gibby prenne une tournure. Je me connais, j'aurais peut-être pas été imperméable à tout ce qui aurait pu être dit ou mentionné vis-à-vis de l'univers de Gibby. Donc, je voulais me prémunir un peu de ça. Mm-hmm. Puis, même si j'ai retravaillé ce scénario-là par la suite pour le peaufiner, j'avais déjà un jet, là. J'avais déjà établi pas mal... La deuxième aventure de Gibby avant même que l'album sorte et soit soumis aux perceptions de tous et chacun. Et évidemment, quand on crée aussi comme ça un univers dans lequel il y a des monstres et des éléments un peu inhabituels, on imagine que c'est précédé d'un jeu graphique, d'une recherche graphique. Et parallèlement, dans votre cas, on peut pas non plus s'empêcher de faire des petits parallèles avec la série, par exemple, des Savais-tu les bestioles et autres. Faire un peu des petits parallèles entre les deux. Là. Tout à fait. Autant toutes les recherches que j'ai dû faire, peut-être, qui ont été... supplémentaire aux besoins de Savais-tu, mais ça a influencé énormément mon univers, que ce soit autant pour les animaux que je vais inclure que les bestioles que je vais imaginer qui vont avoir certaines influences sur des bestioles existantes, mais que je vais peut-être extrapoler au niveau de certaines aptitudes ou de certaines composantes ou la manière qu'ils vont chasser ou qu'ils vont agir ou se déplacer, se mouvoir. Mais c'est certain, puis c'est mis à part l'expérience que les Savais-tu m'ont donnée, mais il y a aussi le plaisir, parce que c'est sûr que quand j'ai déterminé, puis j'ai élaboré un peu l'univers de Gibby, et puis tous les paramètres, puis dans quoi je vais plonger, j'étais conscient aussi que j'étais content, puis en même temps, j'étais conscient que je découvrais un univers qui était proche de, en sachant ce que j'étais capable de bien offrir visuellement. Ouais. Et puis, dans lequel j'étais à l'aise, que ce soit les insectes, les univers, des fois un peu sombres. J'essaie de autant faire plaisir à l'enfant que j'étais, qui aimait lire la bande dessinée, mais qui était pour moi une certaine recherche d'un style de BD en particulier, qu'autant que le dessinateur que je suis, j'essaie de plaire aux deux, autrement dit, satisfaire l'illustrateur pour qu'il ait un certain plaisir graphique à travailler. Oui, puis j'ai l'impression un certain défi aussi, parce que vous l'avez mentionné, il y a quand même du sombre, c'est des égouts, c'est dans la nuit, c'est noir, donc il y a des masses noires comme ça qu'on retrouve un peu au fil des pages, qui donnent le style aussi à l'univers que vous proposez, mais qui doivent donner, j'imagine, un certain défi d'intégration, d'équilibre entre le sombre et l'action, etc., etc. Ah, tout à fait, le sombre et l'action, de laisser place à une certaine lumière à travers ça. J'étais conscient que j'ai peut-être une certaine maladie, je dirais que je m'en vais tout le temps en sens contraire souvent de certaines tendances. Et puis, j'étais conscient que des fois, ben, je me disais, bon, ça, peut-être que les gens vont trouver ça trop sombre, vont peut-être trouver ça trop trash. Mais j'essaie de trouver moi-même un certain équilibre, de retrouver un équilibre dans tout ce que je faisais, que ce soit visuellement, autant que dans le texte, dans le scénario. Et puis, oui, graphiquement, j'avais un certain défi, mais en même temps, c'est quelque chose dans lequel j'avais déjà pu développer quelques scènes. Puis je savais ultérieurement, quand j'avais fait des illustrations pour certains romans, quand on arrivait dans des zones de nuit, où c'était des scènes dans un environnement sombre, j'avais un malin plaisir, puis une certaine agilité, disons, à m'en sortir graphiquement. Donc, rien n'a été choisi au hasard, disons. Et on invite les gens à découvrir justement ces choix, à découvrir cet univers avec Gibi, tome 1, donc Une odeur de soufre, c'est aux éditions Michel Quintin. Sampar, merci beaucoup. Merci Raymond, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Voilà donc Sampar, auteur de cette série, Gibi. On part avec un dernier extrait musical, toujours de K-Bet, et au retour, Marco Duchesne. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, sprint final, dernier segment de l'émission qu'on a le plaisir de passer en compagnie de notre collaborateur et libraire en résidence, on a presque envie de dire, quoique on partage la résidence avec Pantoute également. Marco Duchesne, bonjour. Salut Raymond. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien également. Enfin, on a l'impression qu'on est un peu dans le dernier sprint en route vers les fêtes. Laisse-moi te dire qu'en librairie, c'est tout à fait ça, là. Les derniers arrivages, faire rentrer les titres importants, on court. Et les gens aussi, là, les gens aussi commencent à ramasser les étrennes pour la famille, les amis, ceux qu'ils aiment. Alors, les idées de cadeaux pleuvent en ce moment parce que on a eu tout un automne de rentrée en BD. Et on commence avec un premier titre, nouvelle série de Murvano. Marvano, voilà. Marvano qui est, oui, en fait, tu vas voir, mais mes deux principales suggestions se ressemblent beaucoup au niveau du dessin. D'abord, Marvano. Marvano, que j'adore, qui est très cinématographique, qui est très américain comme style dans son dessin, dans sa façon de raconter, reste quand même assez européen. Il avait illustré pour Joe Haldeman, il avait illustré sa fameuse Guerre éternelle, roman de Joe Haldeman, d'un type qui revient d'une guerre interstellaire décalé. En tout cas, bref, le dessin y était déjà très mature à cette époque-là. Quand Marvano travaille tout seul et il fait aussi ses scénarios, il aime beaucoup raconter des faits historiques, placer ses histoires dans l'histoire. Il avait fait Grand Prix, où il nous racontait les premiers Grands Prix d'automobile, une mini-série. Il avait aussi fait une mini-série historique de la Deuxième Guerre mondiale dans l'aviation. Je me rappelle plus du titre, mais c'est facile à retrouver si vous demandez en librairie. Mais ma suggestion vient d'un premier tome qui vient de paraître d'une série qu'il commence. Ça va être une mini-série en 3 épisodes qui s'appelle La Brigade juive. Je suis pas très historique au niveau série personnellement en BD. Mais ici, La Brigade juive, le titre déjà m'intriguait. Alors, on constate déjà sur la 4e de couverture un petit texte, un petit paragraphe nous installe la chose. Il semble-t-il que à la lueur de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs et tout ce que les autorités politiques soit britanniques et américaines, savaient sur la chose au fur et à mesure, les Britanniques ont créé une brigade de soldats juifs qui ont parcouru à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces juifs, cette brigade-là a pris naissance en Palestine sous le mandat britannique en 1944. Ils ont créé une brigade de soldats juifs qui a parcouru l'Europe de l'Est à la recherche de survivants. Donc, j'imagine en fait une mission, un mandat qui est portant quand même à d'émotions. Je veux dire, ça doit être quand même particulier, considérant Marvano, la guerre. Là. Marvano nous installe cette brigade. En fait, c'est deux Juifs, deux soldats britanniques qu'on va suivre dans leur parcours. Si leur mission, si cette mission consiste à récupérer des survivants, à les orienter vers les autorités, vers la Palestine, évidemment. Pour ces deux soldats, cette mission a une connotation un peu plus, je dirais, personnelle. Ici, ça sent un peu la vengeance. Ils profitent du fait de cette mission pour traquer les Juifs, les soldats nazis, les officiers nazis qui se sont sauvés, qui ont réussi à prendre le large. Et là, ça devient une espèce de traque. Et ils vont récupérer, entre autres, sur leur chemin, dès les premières pages, les deux soldats ramassent une petite juive qui avait été ramassée par par une communauté chrétienne. Donc là, ça devient un trio. Alors, ça devient une espèce de trio qui va clopin-clopin. Un peu thriller, un peu road movie. Oui, mais aussi, c'est l'occasion de se raconter aussi ce que chacun des personnages va raconter en flashback un peu comment il a vécu cette guerre, cette partie de l'histoire. Bref, tout ça dans le même style que Marvano, comme je vous ai expliqué, là, très classique dans son découpage, mais dans son dessin très américain. Et ça fonctionne comme un bon film. Alors ça, c'est La Brigade juive, premier tome. Chez Dargaud. Voilà. Donc, Vigilante. On passe, en fait, tu disais, les deux premiers albums dont tu nous parles, ils ont quand même une parenté au niveau dessin, et là, on tombe dans la série Mexicana. Alors, Mexicana, c'est chez Glénat. Alors, le dessinateur est Mézé Ramno. Un type que j'aime beaucoup, il avait fait Deadwinger, il avait fait un western, une espèce de drôle de cowboy chez Dupuis, en 5 tomes, une espèce de piétante qui débarque en ville et avec 2 guns va commencer à être un justicier. Mais j'aimais beaucoup le dessin nerveux un peu à la Frank. De Frank, le dessinateur de Largo Winch, un peu ce dessin-là, mais en restant un peu brouillon. Bref, déjà j'adorais le dessin et le scénario de Mexicana est fait par Mats qui nous avait donné Le Tueur. Okay, quand même, c'est des bonnes références. Voilà. Là. Alors, c'est des bonnes références. C'était très bon. Mexicana, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire d'un type qui travaille à la frontière mexicaine, côté américain. Il est garde frontière. OK. Un garde frontière qui essaie d'éviter l'immigration massive des Mexicains du côté américain. Alors, ce garde frontière, à un moment donné, son fils se fait arrêter. Et relation difficile entre lui et son fils, mais il découvre en interrogeant son fils, en allant chercher en prison, que son fils est jusque-là, jusqu'au cou, dans un espèce de truc de drogue, d'une femme qui l'a entraîné dans une espèce de trafic de drogue. Alors, le papa va essayer de sortir son fils des ennuis qu'il a. Mm-hmm. Et en essayant de l'essayer de sortir le fils de... Et c'est lui-même qui va empêtrer, mais deux fois plus, des sables mouvants. Chaque fois qu'il grouille, qu'il fait un geste, c'est 10 fois pire. Écoute, le scénario de ça me rappelle beaucoup une série télé que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Sons of Anarchy, où nos héros s'empêtrent dans des situations extraordinaires. Et que les stratégies ne les amènent qu'à s'empêtrer dans d'autres situations pires et pires. Donc, pour les amateurs de thrillers, de policiers, où ils n'ont pas peur de vivre justement ce que le héros... les anti-héros finissent par les situations difficiles. N'hésitez pas. C'est bien fait, c'est beau, ça marche. Le premier tome fonctionne assez allègrement. On a hâte de voir comment on va s'en sortir. Et dans ces cas-ci, j'ai l'impression, comme c'est des auteurs, comme dans le cas de Brigade Juive, des auteurs quand même bien établis, j'ai comme pas de crainte qu'il n'y ait pas de deuxième. Non, comme c'est malheureusement le cas des fois. Non, je pense que... du côté européen, on y va beaucoup avec la mini-série maintenant, ces séries longues et tout. On entretient beaucoup nos séries qui maintenant ont de l'âge, qui ont pris de l'âge et du numéro. Mm-hmm. On les entretient beaucoup, mais si tu as remarqué, on fournit des deuxième et troisième équipes qui finit par renouveler un peu, je pense à Torgal ou Thrèse, ou des nouveaux scénaristes, des nouveaux dessinateurs. On réussit à bâtir autre chose. À moderniser un peu la chose. Mais les éditeurs sont pas fous. Ils décident d'y aller avec de mini-séries, ce qui... parce que... Mais ça diminue le risque. Le risque et aussi l'attente aussi de ce genre de truc. C'est comme, en fait, j'ai l'impression, on synthétise, enfin, on formalise un peu le processus des cycles. Et donc, ça devient des mini-séries. Puis après ça, si ça marche beaucoup, on peut toujours faire plusieurs mini-séries. Voilà, scinder les scénarios en quelques albums. Et en terminant, Marco, on va faire une petite tournée du côté de Jack Kirby, Urban Comics. Il est sorti récemment. Et là, j'aimerais ça que tu prennes des notes, parce que j'imagine que tu vas offrir à tes chroniqueurs préférés un petit quelque chose à Noël. Non, mais je dis ça comme ça. Là. Juste de même, en passant. En tout cas, il a toujours les notes, ça sera déjà ça. Alors, Urban Comics, je t'en ai parlé, je t'ai vanté cette maison d'édition-là, qui font de la traduction de DC Comics en français. Des belles séries, des beaux moments de DC Comics. Ils vont chercher aussi dans les classiques, ils vont chercher aussi dans le répertoire de DC, les choses qui ont marqué. Ici, je te parle, et je t'ai parlé de mon amour inconditionnel que j'ai pour Jack Kirby, ce créateur, ce dessinateur qui, avec Stan Lee, a créé la majorité des super-héros qu'on connaît. En fait, c'est une figure incontournable, point. Si on n'a pas lu de... Ou on en a lu, puis on ne sait pas. Il porte le nom de The King. Mm-hmm. Ses collaborateurs, ses contemporains l'appelaient The King, et c'est pour ça. Et Urban Comics a décidé d'aller chercher le travail qu'il a fait pour DC Comics. Il était... quand il a quitté Marvel, il a commencé chez DC. On lui a demandé de faire une série. Et là, c'est tout à fait intéressant. Une série qui s'est appelée Kemendi. DC avait demandé à Jack Kirby on était à l'époque, dans les années 60, début 70, on était à l'époque où apparaissait la planète des singes au cinéma. Alors, DC avait demandé à Kirby, fais-nous quelque chose qui ressemble un peu à la planète des singes, un peu post-apocalyptique, avec des humains qui luttent pour... Alors, Jack Kirby a créé Kamendi, The Last Boy on Earth, le dernier garçon sur Terre. Kamendi sort de son abri antinucléaire, il n'a jamais vu la Terre, et sort dehors et découvre une planète habitée par des animaux devenus humains. Ça doit être assez fascinant. Et par tribu. Ouais. Et Kamendi va se promener à travers ça, des derniers humains irradiés qui vont l'aider à trouver son chemin à travers ces tribus-là d'hommes tigres, d'hommes singes, d'hommes lions. Et là, c'est les années 70, mais c'est aussi, à mon avis, chez Jack Kirby, c'est la meilleure série qu'il a fait, la plus, je dirais, cohérente au niveau du scénario. OK, ça va au pas. Au niveau du dessin, et, c'est très théâtral, les poses de Kirby à la Kirby. La technologie, même s'il y en a un peu, là, c'est magnifique et c'est tout en couleur. Urban Comics a fait un travail extraordinaire, tout en chronologie et avec des préfaces et des introductions qui vous mettent dans le bain, qui vous ramènent l'histoire. Bref, je t'ai excité, là. Oui, mais en fait, j'espère que t'as pris des notes. J'ai presque envie. En fait, je rappelle le titre, c'est Kamendi de Jack Kirby, Urban Comics réédition. Ça sera en deux tomes. Premier tome qui est arrivé. Oui, c'est une soixantaine de dollars, mais bon, comme t'as un gros budget, toi, ici, j'imagine que ça n'a pas d'importance. Et Marco Duchesne, puisque ton enthousiasme est contagieux, on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Ah, OK. Pour une petite chronique d'avant Noël, tiens. D'accord. Excellent. Alors, ben, Marco, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et on dit la même chose à nos auditeurs auditrices. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver vendredi prochain. C'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous en ce vendredi pour une autre édition de La Vie en BD.